Donc je suis né le 18 mars 1947, c'était le lendemain de la guerre bien sûr, et je suis né, mes parents se sont mariés à Ronchin où il y avait mes grands-parents paternels, et à la clinique Sébastopol je suis né. Mes parents se sont mariés donc à Ronchin. Et tout de suite, il y a un oncle qui était, lui, marchand d'articles de pêche, le seul qu'il y avait, le célèbre qu'il y avait à Lille, rue je ne sais plus quoi, mais c'était le célèbre négociant d'articles de pêche et de chasse et de pêche. Et c'est lui qui a dit à mon père, reste pas chez Kuhlmann, file vite le rejoindre. Donc, un autre tonton qui était archi à Dunkerque. Là, il y aura du boulot, Dunkerque est par terre, on va le reconstruire, ce qui était vrai. Et mon père a fait toute sa carrière donc dans le cabinet d'architecte. Et donc, il avait deux employeurs, il avait... le tonton qui était archi aussi. Et le cabinet, c'était l'architecte Lambrouck, célèbre architecte de Dunkerque, qui était associé avec Raymond Stenmiller, qui était archi aussi. Et donc, tout de suite, ils ont embrigadé mon père là-dedans. Et puis, voilà comment la vie se passe. C'était l'époque où Dunkerque était par terre. Donc, il fallait le reconstruire. Donc, tout naturellement, on a émigré à Dunkerque. Et donc, après, c'était le classique d'un écolier puis d'un lycéen dunkerquois. Le lycée, c'était soit le Collège des Dunes, soit le lycée Jean-Bart. Moi, ça a été le lycée Jean-Bart. Et puis, tout de suite, ou même avant le bac, j'ai émigré dans le notariat. Alors moi, j'étais pas destiné à rien parce que, quand on est gamin, qu'est-ce qu'on va faire, on sait pas. Et les parents allaient forcément, c'était l'époque, à la messe tous les dimanches. Et à Malo, c'était la messe 11h30, une messe basse, mais où toute la bourgeoisie allait. Alors mon père rencontre à la sortie de l'église... le notaire de famille qui était Jacques Durier. Alors, ça va les enfants, monsieur Lebeau ? Ça va bien, oui. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Lucie, ma fille était petite, donc on n'en parle pas. Et Denis, l'aîné, il va passer son bac, là. Et après, on ne sait pas. Il ne veut pas faire carrière dans le notariat, je cherche un clerc. C'était comme ça que ça se passait, hein. Alors, il me demande, il dit, tu veux pas être dans le notariat ? Je dis, c'est quoi ? Je veux pas, moi. Donc, il m'explique un peu, je dis, si. Puis voilà comment je suis rentré, donc, en octobre 65, je suis rentré dans le notariat, et j'y ai fait carrière, j'y ai fait toute ma vie. À Dunkerque, il y avait tout à refaire. Pas à faire, mais à refaire. C'était démoli, donc... Le boulot, il était dans l'immobilier, dans ce que j'ai pu faire, voilà. Comment j'ai vu ça, la reconstruction ? Comme quelque chose d'indispensable et de nécessaire, puisqu'il n'y avait plus rien. La guerre qui était par terre, donc ce qu'on a fait, c'était très bien, pour moi, oui. On en a fait une ville qui est tout à fait correcte, je pense. Moi, j'ai connu le chandruine de Dunkerque. Et puis, petit à petit, on s'est mis à reconstruire. Alors, la reconstruction, les premiers immeubles reconstruits, c'était derrière la petite chapelle. Oui, dans un des dunes, si, c'est ça. Donc, c'était là, et c'est là que Dunkerque a recommencé à être reconstruit. C'était des immeubles de qualité, des grands appartements, parce que Dunkerque, on ne l'a pas reconstruit, en tant que maison. Ça a été tout de suite une batterie d'appartements. Ou des batteries d'appartements. C'est ça, Dunkerque. Mais le Dunkerque d'avant-guerre, ben, il est bien mort. Hein. Alors, où est-ce qu'on va le retrouver? Ben, un petit peu en basse ville, peut-être. Et en reconstruisant, ben, ils ont fait des blocs. Hein. C'était pas... Alors, il y a eu deux grandes cités de relogement qu'on appelait les Glacis. Il y avait les Glacis Nord et les Glacis Sud. Et c'était des baraquements, mais qui étaient très, très confortables. Chauffage central, salle de bain, ce qui n'était pas le lot commun à l'époque. Ben voilà, on appelle ça des glacis. Il y a de très beaux immeubles derrière la petite chapelle. Ça, c'était les anciens glacis. Et là, ils ont fait ce qu'on appelle des blocs, hein, mais qui sont très, très bien... bien équipé, bien reconstruit. C'était les premiers. Et alors, les cités de relogement, c'était Glacis Nord, vers Malo, vers la plage, et puis les autres glacis. Alors, glacis, c'est pas inventé, ça vient du terme militaire, et les glacis, ben, glacis, c'est l'espace dénudé derrière une place forte. C'est ça, un glacis. Là, on va aller chercher ce que Vauban a fait. Et les glacis, ben c'est l'espace à poil derrière une place forte. Et la place forte de Dunkerque, elle a été complètement rasée. Donc il n'y en a plus. Mais tout ça, c'est bien agréable. Et on pourra encore en dire. Quand il y avait un bateau d'inauguré, tout le monde allait voir le lancement du bateau, ce qu'on appelait. On lançait un bateau. C'était ça le... Et donc, si on était un peu introduit dans le milieu dunkerquois, le milieu portuaire, on était invité au vin d'honneur là, qui avait suite au lancement de ce bateau. Et oui, c'était ça. C'était ça, le Dunkerque. C'était très vivant. Hein. Ça l'est toujours d'ailleurs, c'est pas mort, mais bon. Alors bon, moi j'étais de profession clerc de notaire. Donc clerc de notaire, il est bien introduit dans la vie, dans le monde du droit à Dunkerque. Et le monde du droit, ça passe par le droit maritime peut-être. Toujours invité dans tous les bons mauvais coups. Hein, ça c'était ça la vie du Dunkerque. Et du jeune Dunkerquois. Mais le port n'a pas changé parce que maintenant il revit ce port. Sous une autre forme, mais il est bien vivant le port. Hein? Mais des souvenirs, il y en a plein parce que par exemple, un jour, il y a un bateau qui était lié à la chasse à cour. Son nom, c'était. Bon. Et il y a eu une meute de chiens de chasse, mais c'était les chiens de Chambord, je crois. Avec la... Comment elle s'appelait déjà ? Ah, la baronne ou la marquise de Clermont-Tonnerre, bon, qui était maître d'équipage. Donc, qui était la marraine d'un bateau qu'on a lancé là. Ça devait être, je pense, le dernier. Voilà, c'est vrai. Et le bateau, alors, bien sûr, avec... l'aumônier, un aumônier, c'était pas forcément le curé de Dunkerque, c'était un prêtre hein, bon, qui a fait la bénédiction du bateau avant qu'on le lance. Et le lancement, bah, c'était glissé sur des rails, hein, jusqu'à, j'allais dire atterrir, non, jusqu'à être immergé à moitié. Et puis voilà. Là, la baronne, la marquise de Clermont-Tonnerre, ben c'était la fanfare des chiens de meute, hein, de chasse à cour. Mais autrement, un lancement de bateau, c'était avec l'harmonie municipale de Dunkerque. C'était quelque chose de pas, pas dire grandiose, mais bon, ça, ça marquait les esprits. Puis alors, quand on était gamin, bon, c'était pas forcément les parents qui venaient, si les parents n'étaient pas liés au monde portuaire pour le lancement, c'était les grands-parents qui nous emmenaient voir. Ça. Mais moi, j'ai des tas de souvenirs d'enfance de Dunkerque. Un jour, qu'est-ce qui arrive ici ? Le général de Gaulle. Ben, le général de Gaulle, il est venu à Dunkerque, et je me souviens toujours qu'il m'a donné une tape sur la tête et qu'il m'a serré la main. Donc j'ai serré la main au GGN de Gaulle. C'est des souvenirs qui marquent. Ça, je m'en souviens très très bien, comme si c'était avant-hier. Hein. Bon, que c'est d'ailleurs avant-hier. Et il y avait la foule pour le voir. Quand il est arrivé, alors il n'était pas encore président de la République. C'était le général de Gaulle, le héros de la guerre, donc il était venu en visite à Dunkerque. Voilà, voilà. Et donc je me souviens toujours qu'il m'a tapoté la tête.